Yeah, yeah, pour une génération, 11ème section, les FK à la ghetto rockstar, Krone à la prod, yeah, yeah, à la santé de la famille. 1, 2, 3, c'est parti, lève ton verre et roule ton bédo, laisse ton bégro, désarmé les couillons d'explos. Y'a le fond, la forme, donc les glaces, on t'en verse. Si la mise m'accompagne, j'm'en fous d'avoir ma place aux enfers. La campère, et toujours la même colle au CBD bar. C'est 2, 3, 8 qui rassent, on paye avec la CBD bar. Merci, gars, si tu suis à la mise depuis 2006, on rappe à ta santé, c'est dans tes sens, à ton domicile. Les années passent, trace, j'm'en balance, même si ma cité brûle. Cupidon, ce qui au sky, fais gaffe si t'es rouge blanc, du si t'es brune. C'est la guerre, et génération, conception d'assaut. Nos rimes, c'est du dollar, t'inquiète, cœur baisse, rap à 700 d'assaut. Tu bouges la tête, tous tes potos qui sentent qu'on est la cote. Le double 09, y'aura pas de classique sans trône à la prod. J'suis pas de ces mecs qui m'étonnent sur leur vie pour qu'on les kiffe. Rocker qui fait du rap, ça perd en 10ème et collectif. J'ai commencé le rap en posant dans la chambre à gaz. 4 ans plus tard, mon rap, c'est comme la lumette dans la chambre à gaz. Tu veux sampler ma vie, t'as de la chance, il vinyle passe. Y'en a qui prie Jésus, y'en a Satan, moi j'prie vinyle passe. Ça pue le souffle, les plus gros dealers font plus de sous. En principe, même le ciel mène en enfer au signe des plus souffles. Donc j'lève mon verre avant que parte ma putain d'âme au ciel. Une case dédiée à Brent, Torel, Mason, tragique et la 11ème. C'est le retour, ouais. 4 MC prépare un gros coup, v'là un beau scoop, on en parlera jusqu'à Moscou. Malgré les doses de ouf, y'a toujours un toast debout. À la santé de la famille, on trinque, c'est une cause de trou. On fait un retour à la cool chaîne, c'est du lourd et cool chef. La foule se lève, ça va te marquer comme un coup de chaîne. Qui a dit qu'on serait plus de la partie, mais starting. Depuis All Star Team, t'inquiète, on reste actif. Et fair play, la concurrence, on va la faire taire. À la santé de la famille, j'fais tout pour leur faire play. D'ailleurs, cette année, j'emmène mes os au calcul. Tu verras mes gastus, ça changera de pédastu. Lâche les frères et les sisters, v'là la 11ème et stifleur. Maintenant, j'comprends pourquoi la concurrence a si peur. Des masques, on ingurgite, fait d'art, j'suis pas industrie. Tu connais la belle, c'est 2-3-8 industrie. Y'a d'impasse qui se libère, tricard les frères artificiels. Ici, c'est glandé, glandé, au contraire, magic. Ne voile pas la face, la famille se compte sur 4 phalanges. Des boules comme une avalanche, en espérant que les cartes s'assemblent. 10 bédos studio, ça c'est seul programme qu'on a. C'est comme masque, ma vie se transforme en Mortal Kombat. C'est pour les gars de ma street, que la force comme sa petit feu. Écoute le gaillard triste, déclenche en cataclysme. Y'a pas de camp sans traite, les gens sont tête pour un camp campbell. Sans dentelle, je m'imagine ce que je viendrais dans 30 blés. J'ai fini d'être en temps de belle, laisse des traces comme Ghost Rider. Inverse le crossfader, il faut que tu passes ailleurs. Écoute ça fort, 11ème siffleur les protagonistes. Avec mes potes agonistes, depuis 4 ans. Sauf à l'air y'a pas de gros chiffres, mais pour ce qu'elle cache qu'on dise. Mon le son dans la caisse, elle se mord qui stoppe la police. J'aime me faire votre santé, moi y'a que la mif dans mes chansons. Gardir en face toutes mes erreurs, bah j'peux rattraper ces chansons. J'ai tellement de poids sur les épaules qu'on m'a dit j'avais le dollar. J'en perds nos vies à les gagner, donc j'compatis avec collage. Laisse ma trace et j'm'en tape si t'aimes pas mes faces pourries. Car j'suis pas pour m'en sortir à faire la tasse comme Katsumi. Moi j'me rappelle de cette époque, les bons échanges de procédés. C'était la guerre dans toutes les classes et la plupart des profs cédés. Au bord du groupe, c'est la grosse tèche et j'suis comme un top sans feuille. Donc écoute ces gosses en deuil qui se démarrent. Wesh ma couille c'est de la baisse et c'est le rap que j'gagne au rythme. J'évite les bugs de la matrice parce que c'est speed comme gagnerie. C'est l'univers de la fumée grise, viens voir les fêtes gros smith. Écoute bien les sèches touristes car on vient pour péter le chromie. C'est la révolte sur beat notre trône donc faut que j'fume à ta santé. Car c'est la 11ème et les LK pour une pure attaque santé. 1, 2, 3 c'est parti, lève ton verre et roule ton bédo. Laisse ton bégro, désormais les couillons d'explos. Y'a le fond la forme donc mets les glaces, on tend le verre. Si la mif m'accompagne, j'm'en fous d'avoir ma place aux enfers. La gambère, y'a toujours la même colle au CBD bar. C'est 2, 3, 8 qui rassent, on paye avec la CBD bar. Merci gars, si tu soutiens la mif depuis 2006. On rappe à ta santé, c'est dans tes sens, ça te compte au missile.